Au tout départ, juste après la fécondation, il y a une cellule, une seule, constituée de la fusion de deux gamètes. 9 mois après, il y en a environ 100 000 milliards, toutes avec strictement le même patrimoine génétique, même si certaines ont donné des os, des neurones, des globules, des cheveux ou des muscles. Quelle est donc cette diablerie qui permet à une seule cellule de proliférer, de se multiplier, de faire en sorte que chaque cellule différenciée soit à la bonne place pour la bonne fonction? C'est le processus de l'embryogenèse qui recèle encore un grand nombre de mystères et dont l'étude est rendue fort complexe compte tenu des enjeux éthiques que cela soulève. Embryogenèse, des connaissances en gestation, c'est le problème sur lequel nous allons nous pencher dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces premières heures de la formation d'un nouvel être, qu'il soit humain ou animal d'ailleurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Chedotal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste du développement, directeur de recherche INSERM à l'Institut de la Vision, et Valérie Castellani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS à l'Institut neuromyogène de Lyon. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, cette émission en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application préférée et en complément sur notre fil Twitter, vous abonner au compte @laméthodefc. Alors, si nous faisons cette émission aujourd'hui, c'est parce que début septembre a été lancé un appel à projet pour le Human Development Cell Atlas, l'atlas du développement des cellules humaines, si on devait le traduire en français. Un atlas qui a pour ambition de construire le premier atlas des cellules de l'embryon et du fœtus humain. C'est un projet qui est piloté par l'INSERM. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot l'un et l'autre, Alain Chedotal? Oui, bah avec plaisir. Donc en fait, ça c'est parti d'un constat et d'un programme international qui se met en place dans le monde actuellement, qui est un peu à l'image de ce qui est fait pour la cartographie du génome. C'est d'arriver à se dire combien y a-t-il de cellules dans un être humain, quelle est la diversité de ces cellules-là. Et donc à la fois chez l'adulte, mais aussi dans le développement. Comment va générer la totalité des cellules qui constituent un organisme humain? Et donc l'idée qu'a eu l'INSERM, c'était de se dire, il y a en France des équipes qui s'intéressent au développement déjà de l'embryon humain, mais qui travaillent de manière relativement indépendante. Est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser et prendre le projet d'un point de vue plus global en essayant d'organiser, de coordonner les recherches entre les différents centres, puisque c'est une problématique qui fait appel à plein de techniques différentes. Voilà, donc c'est un peu ça la base de cet appel d'offres. Je pense vraiment que c'est une démarche qu'on attendait depuis longtemps, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de choses qui sont connues sur l'embryon humain. A contrario, il y a beaucoup de recherches qui sont menées sur l'embryogenèse dans d'autres espèces. Donc c'est vrai qu'il y a un réel besoin de fonds et puis de structurer et d'organiser les recherches pour avancer dans le domaine de l'embryologie humaine. Il y a vraiment un retard de connaissances important à combler. Vous disiez, Alain Chedotal, que c'est comme si on avait arrêté les recherches dans les années 50. Tout à coup, on s'est arrêté complètement. Globalement, on ne sait pas comment on se développe. Ah oui, ça c'est clair. C'est-à-dire que la plupart de tout ce qu'on en sait actuellement en embryologie, il y a des médecins qui vont travailler sur le développement humain, c'est basé sur des travaux principalement réalisés ça jusqu'à la fin des années 50, et même pour la plus grande partie au début du XXe siècle. Et depuis, il y a eu beaucoup de techniques qui ont évolué pour étudier le développement embryonnaire dans d'autres espèces animales, mais chez l'homme, il n'y a pas eu de travaux qui ont été réalisés avec des méthodes modernes. Donc il y a vraiment on a plein de modèles qui ont été mis en place sur ce que c'est que le développement embryonnaire chez la souris. Mais voilà, comment ça peut s'appliquer à l'homme, ça c'est pas clair. Mais nous ne sommes pas des grosses souris. Pas des grosses souris, oui. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une période, il y a une période du développement où il y a des grands principes d'organisation qui sont communs à différentes espèces. Donc ça paraît tout à fait intéressant d'étudier le développement embryonnaire sur d'autres espèces. Mais au fur et à mesure que les connaissances avancent, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des choses spécifiques à l'embryon humain qu'on ne peut pas étudier dans d'autres espèces. Et là, il y a un réel intérêt à pouvoir accéder à ces programmes spécifiques des primates et de l'homme en particulier. Ce retard de connaissance, il est en partie dû à une règle qui a été instaurée dans les années 70, la règle des 14 jours, et à des problèmes éthiques ou pas seulement? Non, pas uniquement. Il y avait tout bêtement des... Alors ça, c'est pour les études sur le développement embryonnaire d'un embryon vivant. Mais après, il y a des aspects technologiques qui étaient que l'embryon humain est plus grosse taille, c'est plus compliqué à étudier, c'est plus complexe. On manquait d'outils à la fois en imagerie, pour visualiser les cellules, et que là, depuis 3-4 ans, il y a des révolutions dans certaines techniques qui font qu'on peut étudier de nouveau aussi l'embryon humain de manière aussi précise que d'autres espèces. On en parlera, notamment vos travaux qui permettent de faire une imagerie en 3D transparente et qui sont certainement précieux, vous nous en direz un mot tout à l'heure. Valérie Castellani, aujourd'hui, travailler sur l'embryogenèse, c'est aussi vraiment compliqué pour des raisons éthiques, ou est-ce que c'est vraiment d'autres considérations ? Il y a en effet la question d'accès à l'embryon, donc il y a une question d'éthique et il y a une question aussi technologique. Donc si on prend l'embryon humain, c'est effectivement, il y a des réglementations qui sont très, très strictes et évidemment pertinentes. Donc c'est sûr que l'accès aux échantillons va être limité, donc il y a toute une réglementation auquel il faut se conformer. Maintenant, il y a aussi, je pense, il faut différencier les choses. Hein. Étudier un embryon humain, ça peut se faire de plein de façons. Ça peut être au travers d'avoir accès à des échantillons qui sont vivants, ou alors des échantillons qui vont être fixés pour des analyses statiques. On peut aussi envisager de travailler sur l'embryogenèse humaine au travers de nouvelles techniques, par exemple les organoïdes. Donc il y a plein de façons, il y a plein de techniques qui ont émergé aujourd'hui qui vont rendre possible ces études, et ce qui n'était pas le cas avant. Après, les questions d'éthique sont évidemment au cœur du débat. Que dit aujourd'hui la loi française à propos de la recherche en embryologie ? Alors, ça dépend de ce que vous faites. Comme l'a dit Valérie, si vous travaillez sur des organes ou des prélèvements venant de tissus fœtaux ou autres, il n'y a pas vraiment de problème particulier. Si maintenant vous voulez cultiver des embryons issus d'embryons qui étaient prévus pour la réimplantation, pour des couples qui étaient des défauts de reproduction. Des embryons surnuméraires. Surnuméraires, là c'est un peu plus compliqué, puisqu'en France, actuellement, on est limité. On peut les mettre en culture. Il y a des techniques maintenant qui permettent de cultiver des embryons humains, au moins jusqu'à 14 jours sans problème. Mais en France, on est à peu près limité à 6 jours actuellement, contrairement à d'autres pays. Donc c'est à peu près la limite actuelle. Donc c'est un peu ça, et on peut pas non plus manipuler génétiquement ces embryons. Vous pouvez essayer de perturber la fonction d'une molécule particulière par des moyens chimiques ou pharmacologiques ou des anticorps, mais vous pouvez pas modifier le génome de ces embryons. Voilà. Donc il y a des discussions actuellement, alors à la fois en France, mais également dans l'Europe et dans le monde, pour voir d'où vient cette règle des 14 jours, et est-ce qu'il est nécessaire ou pas de la modifier, quels sont les risques éventuels. Elle vient d'où d'ailleurs, cette règle des 14 jours ? Je pense qu'au départ, c'était la règle c'était une réglementation de 6 jours, et puis ça a été posé comme une règle des 14 jours qui correspond finalement à l'apparition des premières cellules nerveuses. Donc c'est cette idée qu'à partir du moment où on va avoir déjà les prémices d'un lignage neuronal, on va s'arrêter là. Donc ça correspond plus à 14 jours qu'à 6 jours. Voilà, donc ça c'est... Mais encore une fois, il y a des choses qui avancent un peu plus vite. C'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez pas cultiver un embryon humain plus de 14 jours, mais il y a des groupes qui ont essayé de contourner, alors pas en France, mais de contourner le problème en prenant par exemple des cellules humaines qu'ils ont cultivées dans des embryons de poulet. Donc dans ce cas-là, ils ont laissé le développement, ces cellules-là vont s'intégrer à l'embryon de poulet, et vous pouvez laisser le développement continuer un petit peu plus longtemps. Voilà, donc il y a des approches de ce style-là qui commencent à se faire, avec encore une fois comme finalité là de comprendre mieux comment les différents types s'organisent et avoir des connaissances qu'on n'a pas actuellement sur ces étapes-là. C'est les états généraux de la bioéthique qui vont donner une loi qui devrait être discutée d'ailleurs d'ici la fin de l'année. On donnait quelques pistes de réflexion justement sur ces travaux en embryologie. Enfin, un petit peu, j'ai contribué un petit peu à quelques aspects de discussion, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas changer, qui marchent déjà très bien comme ça. C'est vrai qu'on risque, pour d'un point de vue scientifique, pour des chercheurs, d'autres pays, notamment l'Angleterre, les États-Unis, sont beaucoup plus avancés dans ce sens-là. Eux autorisent déjà les cultures à 14 jours, voire plus loin. Donc il y a un risque éventuellement que les chercheurs français n'arrivent pas à faire leur programme de recherche si on ne change pas ces règles-là. Dans l'ensemble, beaucoup de ces aspects bioéthiques concernent plutôt des aspects réimplantation des embryons, qui ne concernent pas vraiment la recherche fondamentale en tant que telle. C'est-à-dire que ça ne va pas vous apprendre grand-chose sur l'embryogenèse. Vraiment, ouais. C'est assez considérations qui sont vraiment éthiques sur des aspects reproduction. Pour les aspects scientifiques, je ne pense pas que ça va changer grand-chose sur ce qu'on fait actuellement. Il y a certains pays qui autorisent la production d'embryons à des fins de recherche, ce qui n'est pas le cas en France, par exemple. Quel pays, par exemple ? La Belgique. Donc, c'est des embryons qui sont donc issus de gamètes données par des donneurs, à des perspectives de recherche fondamentales. Donc, en France, ça n'est pas autorisé. Donc, c'est probablement un point de discussion. En France, ce qui est autorisé, c'est justement de pouvoir bénéficier des embryons surnuméraires ou des embryons qui ont des anomalies et qui ne feront pas l'objet d'une réimplantation. Donc ça, c'est une différence. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'harmonisation par rapport à l'accès aux embryons humains, aux chercheurs en France et dans les autres pays. La recherche en embryogenèse et en embryologie, c'est vrai, se porte beaucoup sur des modèles animaux, sur d'ailleurs quels qu'ils soient, ou sur des insectes. Ça avait eu en 1995 un prix Nobel à trois chercheurs, Christiane Nusslein-Vollaert, Eric Vichos et Edward Lewis. Écoutez ce qu'en disait notre généticien national à nous, Axel Kahn, parrain d'un état de scientifique. C'était sur France Inter le jour de l'annonce du prix. Il s'agit d'une découverte en biologie, c'est-à-dire en sciences de la vie, tout à fait essentielle, une des plus importantes découvertes des dernières décennies. Dans toutes les formes de la vie, et notamment chez tous les animaux, on commence la vie avec un œuf, et cet œuf va donner un organisme compliqué qui, suivant les cas, va être un ver, va être une grenouille, va être une mouche du vinaigre, ou bien va être une souris et un homme. Et on a trouvé des gènes, surtout chez les drosophiles, qui sont responsables de la transformation progressive de cet œuf en un organisme. Donc il s'agit vraiment de quelque chose d'extraordinaire. C'était imprévu que les mêmes gènes permettaient le développement d'un insecte, d'une mouche et de l'homme. Et on aurait pu dire, ces chercheurs qui travaillent sur la mouche du vinaigre, qui travaillent sur le crapaud, quelle recherche ésotérique, qu'est-ce que ça a à voir avec l'importance qu'il y aurait à trouver les grandes maladies humaines? Eh bien si, l'importance est tout à fait évidente, et tout ce que l'on a trouvé sur ces organismes a été applicable à l'homme, et notamment pour comprendre son développement et les anomalies de son développement. Voilà ce prix Nobel qui était accordé pour des recherches sur la drosophile, mais qui mettait en valeur, comme on vient de l'entendre, l'importance de la génétique et de l'expression de certains gènes précis au tout début de la formation de l'embryon. Peut-être une réaction à cela, Alain Chedotal ? Oui, enfin, c'est toujours vrai. C'est-à-dire que c'est la mouche. Moi, j'ai fait un postdoc dans un laboratoire à Berkeley de quelqu'un qui a trouvé, qui utilisait la mouche comme modèle d'étude du développement du système nerveux central et qui a trouvé la plupart des molécules sur lesquelles Valérie et moi, on travaille, qui guident les axones. Donc, en gros, l'idée était de dire de la même façon, ce qui contrôle le développement d'un cerveau chez une mouche, c'est la même chose que ce qui contrôle le développement d'un cerveau chez l'homme. Alors c'est globalement vrai, et quand même quelques nuances sur lesquelles on pourra revenir. Donc c'est cette idée-là, et globalement, il y a une conservation, mais encore une fois, de la même façon que vous avez dit, on n'est pas des grosses souris, on n'est pas non plus des grosses mouches. On est heureusement un peu plus complexe, et il y a quand même beaucoup de choses. C'est un peu là où on en est actuellement, c'est qu'après cette idée que tout va être pareil, on peut prendre les modèles animaux, d'autres espèces, on va tout comprendre, on se rend compte quand même petit à petit que pour comprendre vraiment qu'est-ce qui nous fait être humain et qu'est-ce qui nous différencie des espèces, il va falloir passer forcément un modèle qui est l'homme lui-même, quoi. Valérie Castellani. C'est très vrai que l'utilisation de ces modèles animaux, que ce soit la mouche, que ce soit l'œuf de poule, que ce soit le xénope ou le poisson zèbre ou C. elegans, enfin on a toute une panoplie d'espèces qui nous permettent en fait d'aller étudier ces grands programmes généraux de développement. Donc ça reste absolument nécessaire et intéressant d'avoir accès à cette panoplie de modèles, mais il faut y rajouter en effet l'embryon humain pour ses spécificités. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons d'embryogenèse tout au long de cette heure en compagnie d'Alain Chedotal et de Valérie Castellani. Alors peut-être, avant d'en arriver à ce qui est votre spécificité, à savoir la neurulation, la constitution du système nerveux, peut-être dire un mot rapidement de ce que l'on connaît et de ce que l'on connaît bien du développement de l'embryon. Qu'est-ce que c'est qu'un embryon déjà ? Peut-être remettre les choses et les pendules à l'heure à ce niveau-là. De quoi on parle quand on parle d'embryon, Alain Chedotal ? Chez l'homme, on parle de... d'un point de vue vraiment scientifique recherche, un embryon, ça va être les 8 premières semaines de développement après la fécondation, à peu près. Et ensuite, on parle de stade fœtal. Donc, ça constitue l'organisme, les premières phases d'organisme qui font, comme vous l'avez dit, qu'on part d'une cellule pour arriver à un individu avec des milliards de cellules. Mais donc, c'est vraiment l'embryogenèse elle-même, ça va vraiment, pour l'homme, être le premier trimestre, enfin maximum, on va dire, enfin les premières 8 semaines de gestation. Et après, si on va au sens un peu plus flou, on peut aller jusqu'à la naissance. C'est-à-dire, pourquoi 8 semaines ? Qu'est-ce qui se passe à 8 semaines qui fait basculer l'embryon du côté du fœtus ? C'est-à-dire que tous les organes sont formés ? C'est un peu ça, en fait. On va passer d'un œuf fécondé à un blastocyste, un amas de cellules. Ensuite, on va avoir différents stades, avec notamment un stade qui va être marqué par la formation des trois feuillets qui vont donner finalement tous les organes. Donc ensuite, on va avoir une étape d'organogénèse. Et une fois que les organes sont en place, qui correspond à peu près à 2 mois, on va passer à la croissance des organes. Donc l'embryon, ça, c'est vraiment le stade embryonnaire, c'est la formation de ces organes. Et ensuite, le stade fœtal, ça va être la croissance, l'augmentation de ces organes. Avec évidemment des organes qui ne sont pas du tout matures. Bien sûr. Les 8 premières semaines aussi sont relativement constantes, entre guillemets, d'un embryon à l'autre. C'est ça qui a permis de définir des stades de développement embryonnaire d'un point de vue historique. C'est-à-dire que quand on prend des embryons, n'importe quel embryon humain jusqu'à 8 semaines, on arrive à peu près avec des critères morphologiques, la formation des paupières, l'apparition des doigts, etc., de dire exactement à combien de jours de gestation on est dans cet embryon. Et ça très précisément, à 1 ou 2 jours près. Après les 8 semaines, au stade fœtal, c'est pas parce qu'un embryon est plus gros ou plus petit, ça va pas être un critère pour dire que celui-là est plus vieux ou plus jeune. Ça devient beaucoup plus varié. Le sexe également est fixé à ce moment-là, entre mâle et femelle. Et donc du coup, il y a beaucoup de changements qui se produisent qui font que ça devient beaucoup plus compliqué de savoir ce qui se passe. Donc voilà, donc les 8 premières semaines sont assez constantes. Il y a une séquence de développement qui est relativement conservée et précise. Cette séquence de développement, elle va dans le sens de cellules souches totipotentes à petit à petit une spécialisation, mais étape par étape, si on résume à grands traits, Valérie Castellani. Oui, c'est ça. Vous allez avoir au départ des cellules qui ont la capacité de générer tous les lignages. Et puis, au fur et à mesure du développement, vous allez avoir une restriction de ces potentialités vers des types cellulaires qui sont toujours capables de proliférer, mais qui vont proliférer dans un certain lignage. Donc, vous allez avoir une restriction au cours du temps. Et aussi le maintien, évidemment, de ces cellules qui ont cette totipotence et qui vont être à un moment donné pouvoir être réactivées dans certaines conditions. Donc c'est sûr que le développement va vers une restriction des lignages pour aller vers de la spécialisation, générer différents types cellulaires, etc. À quel moment de l'embryogenèse commence le premier niveau de spécialisation? C'est-à-dire à partir de quel moment on a ces premières cellules du blastocyte qui deviennent, qui tendent vers ces 3 feuillets peut-être, enfin je ne sais pas. Bah, les 3 feuillets, on a des stades jusqu'à 6 jours. En fait, ça va vraiment dépendre des organes auxquels on s'intéresse. Par exemple, dans le système nerveux, on a des cellules souches qui sont totipotentes chez la souris, par exemple, à 9 jours de développement, qui vont s'amplifier et donner des progéniteurs qui sont plus spécialisés. Un blastocyste qui va ensuite se différencier avec tous les stades gastrula, enfin, bon, etc., va avoir des cellules qui commencent déjà à se spécialiser tout en gardant un potentiel de prolifération évidemment immense puisque tous les tissus sont à construire. Donc après, chaque organe va avoir sa propre temporalité de formation. On peut peut-être résumer, disons, les 8 voies de là, parce qu'on parle de gastrulate, blastocyste, etc. On peut peut-être résumer justement ce premier parcours vers les 3 grands feuillets qui vont ensuite se spécialiser dans différents types d'organes, Alain Chedotal. Résumé, oui. Oui, on peut. Vous avez une cellule qui en a donné 2, qui en a donné 4, ça se divise. Enfin, voilà. Il y a un point important, initialement, il n'y a pas trop d'augmentation de la taille, c'est-à-dire que les cellules deviennent de plus en plus petites, mais il y a un point qui est assez intéressant, c'est de comprendre comment, par exemple, l'ADN va se répliquer, comment le nombre de noyaux va doubler dans un système qui va garder la même taille. Et après, l'embryon va s'implanter, donc là, ça va commencer aussi à générer, vous avez des feuillets différents qui vont se mettre en place, enfin, des cellules qui s'implantent, qui vont constituer après le placenta, et puis les cellules aussi de l'embryon lui-même. Et à partir de cette masse cellulaire interne, vont petit à petit se former, un processus qui s'appelle donc la gastrulation, va induire la formation du tissu nerveux et vous donner l'apparition de ces 3 feuilles, ce qui va donner les muscles, le squelette, l'intestin et puis le système nerveux, enfin de manière très très simplifiée. Mais ça se met effectivement en place très très précocement. Et à partir de ça, une fois que, même à cet stade très précoce du développement, par exemple, de l'apparition du système nerveux central, qui ressemble à une, ce qu'on appelle une plaque à ce stade-là, on sait déjà maintenant qu'il est organisé sa région antérieure, sa région postérieure, les territoires qui vont donner naissance aux yeux. Il y a déjà des gènes qui vont être exprimés de manière différente dans cet embryon très précocement, qui vont un peu préfigurer ce qui va donner, vont être les différents tissus par la suite. Et il y a beaucoup de processus comme ça dans l'embryon de, ensuite, d'induction, c'est-à-dire de production de molécules qui vont aller changer et restreindre ce lignage cellulaire, de ceux qui vont se déplacer, migrer dans l'embryon. Il y a beaucoup de mouvements de ces cellules, de déformation des cellules qui se produisent. C'est vraiment un processus qui se passe en trois dimensions. C'est aussi pour ça que c'est impossible de l'étudier dans des boîtes en deux dimensions, des boîtes de culture, puisque là, vous n'aurez pas accès à ce processus de trois dimensions. Notre corps, il est en trois dimensions. Et on viendra justement sur votre procédé d'imagerie qui permet d'avoir un aperçu et une imagerie en trois dimensions de cette évolution fœtale. Est-ce qu'il y a un moment identifié à partir du... Parce qu'on va parler de ces processus et justement de toutes les questions qui sont liées à la migration, à la temporalité et aux gènes qui sont exprimés, qui vont s'exprimer pour permettre cette spécialisation. Est-ce qu'il y a un moment particulier où on perd le compte des cellules? C'est à partir, ce qu'on sait, on dit au début 2, 4, 8, etc. Est-ce que très vite, à un moment donné, je lisais pareil dans un de vos papiers ou de vos entretiens, il y a un moment donné qu'on ne sait plus où sont les cellules souches à l'intérieur de l'embryon humain? C'est Alain Chenotal qui disait ça. Oui, je pense que le nombre... alors évidemment, il y a une variabilité, mais il y a des espèces où le nombre est absolument parfaitement défini. Donc on ne perd jamais le compte de ce que va devenir ces cellules. Après, il y a des espèces L'idée où c'est évidemment pas le cas. C'est qu'en fait, on ne sait pas forcément, si vous demandez maintenant à 8 semaines combien il y a de cellules dans un embryon humain, personne n'est capable de le dire actuellement. Donc c'est clair. C'est-à-dire qu'on va connaître les organes, mais le nombre de cellules par organe, on n'a pas d'idée de quel est ce nombre. Même chez un adulte humain, on ne sait pas combien on a de cellules dans notre corps au total. C'est des estimations. Oui. Pour le cerveau, par exemple, lui-même, le premier travail qui a permis de dire qu'on a à peu près 80 milliards de neurones, ça, c'est un travail qui a été publié il n'y a pas plus que 5 ans. Avant ça, on avait des estimations, des extrapolations, mais la vraie donnée permettant de trouver combien on a de cellules dans un cerveau en extrayant tous les noyaux des cellules d'un cerveau humain, brésilien en l'occurrence, ça date d'il y a 5 ans. Donc voilà, des informations comme ça de base, on ne sait pas actuellement exactement comment y répondre. Valérie Castellani. Non, juste, effectivement, oui. C'est complètement vrai pour l'espèce humaine, mais par exemple, dans ces élégances, on sait parfaitement combien il y a de neurones. C'est élégance qui est un petit verre, un hématode qui est très très simple et qui est beaucoup plus utilisé en laboratoire. Voilà, c'est vraiment une question de complexité. Avant d'aller plus loin, justement, dans le développement embryonnaire et de parler du développement du système nerveux, aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a dit, toutes les disciplines scientifiques sont mises à contribution pour essayer de comprendre les forces à l'œuvre lors de ces tout premiers instants de développement dans un embryon encore très primitif. Au premier jour, bonjour Tom Hudenstock. Bonjour Nicolas Martin, bonjour à tous. Vous êtes allé vous intéresser aux lois de la physique qui régissent le développement embryonnaire. Effectivement, l'embryon n'est pas exempt des lois de la physique. C'est ce que montrent les travaux de Vincent Fleury au laboratoire Matière et Systèmes Complexes. Avec son équipe, il observe grâce à des vidéos en accéléré la façon dont sont façonnés des embryons de poulet pendant les premières heures de leur formation. Des pressions de l'ordre du centième de gramme impriment aux premières cellules une forme à partir de laquelle se développe le fœtus. À ce stade, ces premières observations peuvent être extrapolées à l'homme. Qu'est-ce qui s'affiche exactement à l'écran qu'on a sous les yeux? Est-ce que vous pouvez le décrire? Là, ce que je montre, c'est le moment exact où un embryon qu'on ne peut pas encore appeler un animal, on appelle ça une blastula en biologie, c'est-à-dire c'est une galette plate, une rondelle de 5 mm, devient une larve d'animal, on peut dire ça, c'est un animal. Avant, c'est une sorte de confetti, une galette. Et après, oui, c'est un animal. Alors ce moment, il est très précis. C'est vers la fin du deuxième jour pour un embryon de poulet. Et c'est une espèce de traction qui chiffonne la galette. Et à la fin, il y a un dos, des yeux, un cerveau, quelques vertèbres. Et il commence à faire son système digestif. Donc on a une sorte de larve... où on peut déjà reconnaître les ébauches d'à peu près toutes les parties du corps. L'embryon, il fait quelques dizaines de milliers de cellules. à partir d'une seule grosse cellule qui se coupe en petits bouts. Et cette galette, elle est faite de cellules qui tirent les unes sur les autres. Et elle tire pas n'importe comment, parce que le carrelage de cellules, il n'est pas fait n'importe comment. Qu'est-ce qu'on peut dire des propriétés physiques de ces premières dizaines de milliers de cellules ? Je dirais qu'on connaît très bien la texture et la consistance de cette matière. Donc ça fait 200 pascals, alors ça ne dira pas grand-chose aux auditeurs, mais ça a à peu près la consistance du blanc d'œuf. Donc c'est très très mou. Quand on le déforme, ça s'écoule avec un temps caractéristique qui est de quelques minutes. C'est-à-dire si je prends une cellule et que je la tords complètement, bah si je la maintiens tordue pendant 10 minutes et que je la lâche, c'est définitif la déformation. Mais si je la maintiens tordue pendant une seconde et que je la lâche, elle va revenir à sa position d'avant. Donc il y a ce qu'on appelle une constante de temps qui est de l'ordre de 10 minutes. Quelle loi physique est-ce qu'on peut observer pendant ce laps de temps ? Alors c'est très simple, on observe des écoulements. Et donc la base de la formation d'un embryon, c'est de l'hydrodynamique à Bar-Reynolds. C'est pas l'hydrodynamique de la météo. La météo, c'est très turbulent. C'est une hydrodynamique dans laquelle il y a des ouragans à 100 km/h, 50 km/h, 20 km/h. La vitesse de formation des embryons, c'est le micromètre par minute. Donc c'est vraiment très très lent. C'est le millimètre à l'heure. Et ça a des écoulements proches du miel dans un pot de miel. Voilà. Donc c'est très lent. Et il y a aussi de l'élasticité, c'est-à-dire que quand on remue un objet comme ça lentement, il a tendance à plier, à faire des petites fronces, un peu comme le beurre sur lequel vous passez le couteau. Et ces petites fronces, c'est ça qui va faire l'animal à trois dimensions. Est-ce que les forces physiques en action dans l'embryogenèse agissent jusqu'à la fin du développement de l'embryon, ou est-ce qu'il y a un moment à partir duquel la génétique prendrait le relais ? Comment est-ce que ces deux principes sont complémentaires ? Les forces sont exercées par les cellules, et pour exercer ces forces, il faut toute une machinerie moléculaire qui, elle, est complètement d'origine génétique. Donc dès le début, la génétique agit. Elle agit en définissant le mécanisme d'exercice des forces. Il y a plusieurs mécanismes. Il y en a un principal qui est des tractions sur des molécules orientées qui sont analogues à la force que vous exercez quand vous bougez vos membres avec vos muscles. Donc il y a des sortes de proto-muscles tout petits qui sont comme des petites ficelles qui tirent. Eh bien ces petites ficelles, elles tirent avec une certaine force pendant un certain temps. Et ça, c'est défini génétiquement. Il y a des molécules qui exercent une nanoforce très très très très faible. Mais comme il y a beaucoup de cellules avec beaucoup de ces molécules, la force globale exercée par l'embryon sur lui-même pour se fabriquer, c'est 10-6 newtons, donc c'est un 100 millième de kilo, enfin c'est un centième de gramme à peu près. Chaque phénomène qu'on veut observer entre à peu près rien, le tout début, et quelque chose de bien identifiable, il faut en général quelques heures. Donc si on veut se figurer ce qui se passe, on l'accélère et on le regarde en quelques secondes. Justement, est-ce qu'une vidéo c'est suffisant pour pouvoir mesurer exhaustivement les phénomènes physiques qui jouent, qui s'opèrent ? Alors pas du tout. La vidéo c'est une observation. Mais après on fait des mesures. Donc nous typiquement, ce qu'on a fait au laboratoire, c'est de prendre des micro-machines qu'on fait avec des tout petits fils, soit en verre, soit en silicone. On fixe ces fils. Ils sont tout petits, hein, ça fait des fractions de millimètres, voire quelques dizaines de microns. Hein. On les fixe sur l'embryon, aux endroits qui nous intéressent, et on fait des expériences de traction. Bon, nous, on fait ça à l'échelle de quelques dizaines de microns, et avec des moteurs pas à pas très précis qui sont interfacés par des ordinateurs, donc c'est quasiment de la robotique. Hein. On va tirer très très délicatement aux endroits qui nous intéressent, et on regarde avec quelle force on tire. Et on mesure la déformation pour voir les propriétés mécaniques. Ça nous permet de déterminer les valeurs exactes des paramètres physiques du phénomène considéré. La physique, ce n'est pas une influence sur le développement des embryons. Le développement des embryons est en lui-même un phénomène physique. Alors évidemment, ce phénomène physique, il hérite de centaines de millions d'années d'évolution parce que les molécules, la matière dont est fait ce ballon qui se déforme, est une matière biologique. l'embryogenèse lue par sous le prisme des lois physiques et mécaniques à l'œuvre au sein de l'embryon. Une réaction, est-ce que vous venez d'entendre un chef de Tal? Oui, il y a beaucoup, il y a énormément d'équipes actuellement qui s'intéressent à ce genre de travaux-là. L'embryon de poulet, il est étudié depuis les Égyptiens, donc c'est pas récent. Et l'avantage, pourquoi on étudie lui plus qu'autre chose, c'est que vous avez un œuf, vous avez écrit aussi dessus, vous ouvrez la coquille et vous avez l'embryon dedans. On en reparlera peut-être pour l'embryon humain, vous pouvez pas faire la même chose aussi facilement, donc il faudra trouver d'autres solutions. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Mais ça a été vraiment tout cet aspect-là de biophysique, de développement d'embryon. Il y a des équipes en France qui sont très en pointe là-dedans, notamment celle de Thomas Lecuit, qui est professeur au Collège de France, qui est un des premiers vraiment en utilisant lui la mouche. Il a travaillé avec Vichau, dont vous avez parlé précédemment. Prix Nobel 95. S'intéresse beaucoup au phénomène physique pendant cette première étape de ce qu'on appelle la gastrulation chez l'embryon drosophile et a vraiment commencé à étudier, un de ceux qui a découvert ces petits moteurs dont parlait ce chercheur, qui vont tirer sur les cellules et qui permettent aussi de se contracter ou de bouger dans l'embryon. Comment cet étude s'organise là? Donc ça, c'est vraiment un domaine qui vraiment est complexe, en plein développement, et qui est à l'interface clairement entre la physique et la biologie, qui demande de développer encore une fois des technologies et des outils permettant de mesurer ces forces dans les cellules qui sont toutes petites. Valérie Castellani. Oui, c'est vraiment ça. On est très intéressé par ce cadre et cette contrainte finalement que va poser en fait la rigidité des tissus dans le cadre de tous les mouvements qui se passent au sein d'un embryon. Après, on ne sait pas forcément toujours l'étudier, en tout cas lorsqu'on est biologiste. Et là, c'est vraiment très intéressant de pouvoir travailler en interface avec des physiciens justement sur des programmes qui sont à la croisée entre des problèmes de biologie, la migration des cellules, l'organisation de formes, les changements de forme au cours de l'embryogenèse, avec justement des spécialistes en physique qui vont pouvoir aller mesurer ses forces et nous dire finalement comment la biologie va pouvoir s'adapter à ces contraintes et comment ces forces vont contrôler finalement les phénomènes qui nous intéressent et qu'on étudie. Today is the first day of your life. Be sure you know it's there. Tomorrow never comes, so worry when it's there. Today's the first day of your life de Katmando à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons bien des tout premiers jours, des toutes premières heures même de la vie. Nous parlons d'embryogenèse tout au long de cette heure en compagnie d'Alain Chedotal, qui est neurobiologiste du développement, directeur de recherche INSERM à l'Institut de la Vision, et avec Valérie Castellani, qui est directrice de recherche CNRS à l'Institut neuromyogène de Lyon. On va parler justement de neurogenèse, puisque c'est votre spécialité à tous les deux, et que c'est un... un mécanisme de développement, de spécialisation des cellules qui est important, essentiel évidemment, dans l'embryogenèse. Comment, à quel moment, Valérie Castellani, vous avez travaillé sur la neurogenèse chez la souris notamment, donc comment est-ce que ça commence, quels sont les précurseurs de la neurogenèse, à partir de quel moment on peut dire que ces fameux feuillets, notamment l'endoderme, commencent à se spécialiser petit à petit vers une forme de structure neuronale? Vous allez avoir à un moment donné du développement. Ça peut être, si on prend la souris par exemple, c'est à 9 jours de développement. Vous allez avoir des cellules neuroépithéliales qui vont s'engager dans des processus de prolifération, donc de division. Donc ces cellules vont se diviser, on dit qu'elles ont une division symétrique, parce qu'en fait elles vont se diviser pour amplifier le pool. Donc les cellules filles issues de ces divisions vont avoir finalement le même destin que la cellule mère. Il n'y a pas de spécialisation encore. Voilà, à ce stade, il n'y a pas de spécialisation. Vous allez faire un stock de cellules souches neurales. Et puis ces cellules, à un moment donné, vont se convertir en des cellules souches neurales, donc qui sont un petit peu plus spécialisées. Et ces cellules vont commencer à se diviser de façon asymétrique, c'est-à-dire qu'elles vont en fait donner des cellules filles dont le destin est différent de celui de la mère. Donc par exemple, vous allez avoir des divisions à l'issue desquelles vous allez avoir une cellule fille qui est un progéniteur et une cellule fille qui est un neurone. Donc c'est le début de la neurogenèse. Progéniteur, c'est-à-dire qu'il y a encore une capacité de différenciation. Donc dans ce mode de division, vous allez avoir un neurone, donc une cellule qui va sortir du cycle cellulaire. Elle est ce qu'on appelle post-mitotique, elle va s'engager dans la différenciation. Et la deuxième cellule, c'est pour ça qu'on appelle ça une division asymétrique, elle reste encore une cellule qui va proliférer pour donner d'autres cellules. Mais cette cellule progénitrice est un petit peu différente de sa mère, elle est plus orientée. Donc vous allez avoir la neurogénèse qui veut dire la production des neurones qui va se faire par ces cycles de division et les progéniteurs donc vont varier au fur et à mesure du temps. Alors ça prend plus ou moins longtemps, chez la souris ça va prendre quelques jours alors que chez l'homme ça va prendre plusieurs mois puisque vous avez un nombre de neurones à construire qui est évidemment complètement différent. Et donc ces progéniteurs vont tout au long de cette période de neurogénèse produire des neurones. Alors chez l'homme évidemment ces progéniteurs sont beaucoup plus spécialisés. On retrouve les mêmes grands plans d'organisation de la neurogénèse que par exemple dans l'embryon de poulet qu'on étudie ou chez la souris. Simplement il existe des progéniteurs qui apparaissent en fait chez les primates et chez l'homme, et ces progéniteurs n'existent donc pas chez les autres espèces. Et c'est des progéniteurs très importants parce qu'ils vont être à l'origine en fait des neurones qui constituent les couches superficielles de notre cortex cérébral. Et ce sont ces neurones dont le nombre s'est considérablement augmenté avec l'évolution. Donc ces progéniteurs sont particulièrement importants et particuliers, et il apparaît donc évidemment essentiel de pouvoir les étudier. Et on a encore évidemment, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, du mal à pouvoir les étudier précisément. Peut-être aussi un mot, Alain Chaudetel, sur la migration. On parlait tout à l'heure justement de l'organisation, de l'agencement de ces cellules de l'endoderme, de ces cellules souches. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui exactement les mécanismes qui sont à l'œuvre derrière? Vous le disiez tout à l'heure, dès le départ, l'organisation entre un centre nerveux en haut, un autre en bas, celui qui va constituer la moelle épinière et celui qui va constituer le... Alors, c'est ce processus de dire que vous êtes à l'avant du cerveau ou à l'arrière du cerveau, là, ça ne fait pas vraiment appel initialement de la migration. Il y a des molécules qui vont être présentes dans l'embryon, qui vont lui donner ce qu'on appelle une polarité. Ça, c'est le haut, ça, c'est le bas, ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière. Et très rapidement, sous l'effet de ces molécules-là, les neurones qui vont être générés à l'avant du cerveau vont avoir une identité différente de ceux qui vont être générés à l'arrière du cerveau. Ça, c'est indépendant de processus de migration. Mais après, plus le cerveau ou la moelle épinière vont grandir, les neurones qui sont... Notre cerveau est creux, c'est un tube au départ. Vous avez peut-être entendu ce terme de tube neural. Donc on part d'abord, on a dit, d'une plaque, ce qui était décrit comme un confetti là pour l'embryon. Cette plaque va se creuser pour former une gouttière, et puis la gouttière va se fermer dorsalement pour former un tube, ce qu'on appelle le tube neural. À ce stade-là, il n'y a pas encore de neurones produits, les cellules prolifèrent, comme l'a dit Valérie. Et puis à un moment, on ne sait pas forcément pourquoi exactement, ces divisions ont commencé à être asymétriques, et des neurones ont commencé à être produits, et ces neurones-là, ils vont partir du centre de ce tube pour aller se placer à la surface. Et dans pratiquement tous les systèmes, les neurones ne vont pas rester là où ils sont nés. Ils vont se déplacer, ils vont migrer, et ils vont se déplacer dans le cerveau, parfois sur des distances assez grandes, pour aller atteindre leur territoire final. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dans mon cortex cérébral, il y a beaucoup de pathologies, des formes d'épilepsie, par exemple, ou d'autres maladies neurologiques, dans lesquelles ces neurones n'ont pas migré correctement depuis le centre du tumeur neural vers la surface du cortex. Et donc, il y a des gènes ou des molécules qui vont contrôler le développement de ces neurones. Et dans certaines pathologies, cette migration anormale fait que les neurones sont au mauvais endroit et du coup, le cerveau ne va pas fonctionner correctement. Voilà, Castellani, ces gènes-là, ces gènes de organisationnel en fait du système nerveux, mais ça pourrait être vrai pour n'importe quel autre type d'organe, le système nerveux ayant évidemment ses spécificités. Ils sont absolument connus, ils sont identifiés. Ce sont des gènes aujourd'hui que l'on a cartographiés et qui ensuite disparaissent une fois le processus de formation du fœtus complètement terminé. Ce sont des gènes au départ qui ont été identifiés, notamment dans le contexte des études sur le développement des connexions nerveuses. Ce sont des gènes de topographie, donc les gènes qui vont. Alors il y a différents niveaux d'organisation de ces gènes. Il y a des gènes qui vont justement conférer une polarité à un tissu en agissant, finalement en étant les maîtres d'œuvre d'un programme génétique à l'intérieur des cellules qui vont donc définir des domaines et des territoires différents. Et puis vous allez avoir des gènes qui sont effecteurs de ces mouvements, de ces migrations. Donc les migrations, comme le disait Alain, elles sont orientées dans l'espace. Donc cette notion de topographie, c'est particulièrement important et c'est très très contrôlé et très très stéréotypé. Si vous voulez donner une forme qui soit la même à tous les systèmes nerveux au sein d'une même espèce, vous allez mettre en place finalement des gènes qui vont contrôler cette organisation dans l'espace. Donc ces gènes, on ne les connaît pas depuis très longtemps finalement. Hein. C'est les premiers gènes de guidage axonal, on les appelle les gènes de guidage axonal, mais en fait ils régulent la migration de beaucoup de cellules. C'est simplement au regard de l'histoire et la façon dont ils ont été découverts. Donc ces gènes qui contrôlent la migration, on les étudie beaucoup, on ne les connaît pas tous, on en découvre encore. Leur mode d'action est très compliqué. Ce sont des gènes qui agissent de concert. Donc jamais, on n'a jamais un seul gène qui va imprimer une orientation de migration. Donc c'est vraiment un ensemble de gènes qu'il convient d'étudier en même temps. Donc non, on a encore énormément de choses à apprendre de ces gènes. Un chat de tonne. Oui, clairement, là, je parlais tout à l'heure de cette histoire de ce projet de Human Cell Atlas. Clairement, la diversité cellulaire, elle est ce qu'on connaît actuellement, la diversité cellulaire dans un cerveau ou ailleurs, c'est vraiment, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Et là, on n'a pas, vous avez des milliards de neurones dans le cerveau, vous avez des centaines de types de neurones différents. On n'a pas du tout un moyen actuellement, à part quelques gènes, d'expliquer comment les différentes connexions, comment ces différents neurones se produisent. Donc on connaît quelques gros gènes très importants pour la mise en place de certaines décisions très rapides. Est-ce qu'un axone va passer d'un côté ou l'autre du cerveau, par exemple? Ça, on commence à connaître un petit peu ces processus. C'est là que Valérie et moi, on a étudié. Mais c'est globalement tout. Un autre point important, c'est que ces molécules, elles ont été découvertes pour leur rôle dans le développement du cerveau, mais elles sont présentes aussi dans plein d'organes en développement. Donc en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on pense, ce qui avait été isolé sur la base de cribles génétiques chez la mouche pour contrôler la décision d'un axon de traverser ou pas le système nerveux central, en fait, elles contrôlent le développement des vaisseaux dans l'embryon, elles contrôlent le développement du rein, elles vont contrôler le développement des os, et puis elles ne sont pas simplement dans l'embryon, elles sont également présentes aussi dans les tissus adultes, normaux et puis pathologiques. Je pense que Valérie pourra en parler aussi parce qu'elle travaille sur ça. Il y a vraiment, ces gènes-là vont pouvoir également, ces molécules, jouer un rôle dans la prolifération, la dissémination des cellules tumorales, par exemple. C'est intéressant hein, parce que on reviendra sur cette notion de gènes topographiques parce que c'est quand même aussi des mécanismes très très assez fascinants, mais il y a un lien entre migration des cellules embryonnaires et effectivement métastases cancéreuses, migration des cellules cancéreuses, c'est régi par quoi, des gènes similaires? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la dissémination, ça va être le pendant pathologique d'un phénomène de migration qui peut être tout à fait physiologique, comme on vient de le décrire. Donc c'est vrai que étudier la migration sous l'angle des processus partagés avec étudier la métastase ou la dissémination métastatique sous l'angle des processus partagés avec le développement, c'est particulièrement intéressant. Et oui, on s'aperçoit en effet que les gènes, ces gènes dont on parle, qui ont été initialement identifiés pour orienter les cellules cellules sont aussi très largement impliquées dans les phénomènes de dissémination des cellules cancéreuses, que ce soit d'ailleurs dans ce qui concerne les cancers pédiatriques, donc dans les organismes en développement, mais aussi bien entendu dans les cancers de l'adulte, où vous allez avoir en fait une sorte de réactivation de ces mécanismes du développement exploités par les cellules cancéreuses pour justement être capable de disséminer avec le même potentiel que les cellules du développement vont mettre en œuvre pour former des tissus. Donc c'est vrai que ces gènes ont été identifiés dans le développement du système nerveux, mais en réalité ce sont des gènes qui contrôlent finalement le cytosquelette de la cellule et qui vont donc jouer des rôles partout. Il va y avoir des mouvements de cellules, des changements de forme, etc. Donc ces gènes ont des fonctions très larges, restent exprimées chez l'adulte et vont être exploitées par les cellules cancéreuses. C'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on imaginait pendant longtemps que ces gènes s'exprimaient juste pendant l'embryogenèse, pendant la construction du fœtus, mais en fait ces gènes restent exprimés, encore une fois, comme vient de le dire Valérie Castellani, à l'âge adulte. Oui, ils restent exprimés, ou alors, dans une condition pathologique, ils vont recommencer à être exprimés. Alors, pas forcément toujours au même endroit, pas toujours de la même façon, mais voilà, c'est pour ça que étudier le rôle dans l'embryogenèse vous permet d'avoir après d'identifier leur mode d'action un peu plus facilement, identifier également des cibles thérapeutiques. Il y a des essais cliniques en cours pour diverses molécules, d'anticancéreux notamment, qui sont basés sur les travaux qui ont été faits, encore une fois, chez la mouche et sur ses gènes de développement. Donc, Est-ce que, pour conclure sur ces gènes dits topographiques, est-ce qu'on a une connaissance de la façon dont ces gènes peuvent identifier ce qui est devant, derrière, ce qui est en haut, en bas, comment ça fonctionne, comment ça s'organise? On est une heure de plus. allez-y, prenez le temps si vous voulez. On a des notions de. Heureusement, depuis 95, la recherche a quand même avancé. Et Lucien Vollard, elle avait commencé avant. On a des notions sur comment. Mais c'est vraiment quelque chose de très complexe. On sait vraiment qu'il y a des. Vous dites, il y a des gradients de molécules. Dans un sens, qui va aller de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, et qu'en fait, il y a une concentration de molécules qui va varier, très forte à un niveau, très faible à l'autre, et que les cellules qui sont confrontées à ces gradients de molécules vont intégrer la dose, si vous voulez, et un certain niveau de telle molécule fait que, du coup, votre potentiel va changer. Vous allez devenir un neurone de ce type-là, ou une cellule de ce type-là, sous l'influence de l'intégration, de la concentration locale de ces molécules-là. Et puis après, ces molécules, c'est des petites protéines, Ça va être des petites protéines. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'à un endroit, vous avez créé un déséquilibre dans le système, la cellule-là qui va, du coup, changer de devenir d'identité, va elle-même se mettre à produire des facteurs qui vont agir sur les cellules d'à côté, et puis qui vont les empêcher de devenir, par exemple, un neurone. Et puis, de proche en proche, comme ça, vous allez avoir des hétérogénéités qui se mettent dans le système, un chaos un peu, et qui font que, petit à petit, il va y avoir une restriction de ces phénotypes qui vont se produire. Et donc, des nouveaux gènes vont être produits dans des régions particulières. Mais là, il y a vraiment énormément de gènes impliqués. Donc, ça serait un peu compliqué de décrire. Mais les processus sont vraiment très rapides. Oui, Valérie Castellani. C'était très clair, hein, par ailleurs. Oui, on n'avait pas besoin d'une heure de plus, c'était très bien. J'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que ce qui est fondamental, c'est vraiment la polarisation. C'est-à-dire comment on passe d'une situation uniforme à une situation d'hétérogénéité, d'asymétrie, de polarité. Donc finalement, tout repose sur ça et ça peut tenir finalement à une expression différentielle à un moment donné, la création d'une frontière, quelque chose qui fait qu'il va y avoir un déséquilibre dans l'expression de molécules et ça suffit à imprimer finalement une polarité. Cette polarité, elle va être amplifiée ensuite, au fur et à mesure, augmentée, et elle va finalement, c'est ce qui va très tôt se produire, c'est la définition des différents axes de l'embryon. Vous allez avoir droite-gauche, en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. Devant, derrière. Et ça, c'est ce qui va organiser finalement tous les mouvements aussi des cellules. Donc c'est vrai que de comprendre comment la cellule peut s'orienter dans l'espace, c'est fondamental et on est loin d'avoir compris. Et c'est quand on a dit ça et quand on a entendu ça, Valérie Castellani, on comprend à quel point il est important de comprendre cette évolution en trois dimensions. Et Alain Chedotal, vous et vos équipes avez mis en place justement un système d'imagerie qui permet de voir l'évolution en trois dimensions, mais également de discriminer les différents types de cellules. Oui, alors on en parlait un petit peu au début. Ce qu'on connaît actuellement du développement embryonnaire humain, des premières semaines de développement, comme on l'a dit, c'est basé sur des travaux qui sont assez anciens. Pour savoir ce qu'il y a dans un embryon, ces embryons étaient coupés en coupe fine de quelques micromètres, et donc vous partez d'une structure que vous avez tranchée comme ça, et à partir de ces tranches, avec des colorations histologiques, on va essayer de visualiser les cellules dans ces tranches-là, on va essayer de reconstituer après en trois dimensions cet organe. Donc vous partez d'un tissu en 3D, vous le coupez en des centaines de coupes, et après vous essayez de reconstituer l'ensemble. Vous en perdez, il y en a qui se plient, et donc on a une connaissance assez partielle. Et donc ça a été fait jusqu'aux années 50, et depuis il n'y a pas eu grand-chose. Alors depuis, ce qui a été développé, c'est qu'il y a des moyens maintenant d'utiliser ce qu'on appelle des anticorps, enfin, on connaît ce terme d'anticorps, qui sont des moyens pour nous d'utiliser des types cellulaires particuliers. Chaque cellule, quand elle est différente d'une autre, a à sa surface ou à l'intérieur des protéines qui sont différentes de sa voisine et qui est d'un type cellulaire différent. Et là, on a des moyens de reconnaître ces molécules différentes. Et donc, en leur ajoutant des petits marqueurs fluorescents, on va faire incuber un tissu embryonnaire avec ces anticorps. Et là, on pourra dire si c'est un signal rouge quelque part, ah, cette cellule-là, c'est un neurone. Si un signal adverse, cette cellule-là, c'est une cellule du foie. Et on est heureusement un peu plus précis que ça. Et là, on était confronté à un problème qui était que ces techniques fonctionnent très bien, encore une fois, sur des coupes. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est à mettre au point une technique qui nous permet de le faire sur des gros échantillons. Donc on peut faire marcher ces techniques sur des échantillons qui font 1 cm d'épaisseur ou 2 cm d'épaisseur. Donc ça, c'est à peu près la taille d'un embryon humain. Et on peut combiner plusieurs anticorps contre plusieurs types cellulaires différents. Et donc on va pouvoir visualiser comme ça simultanément 4 ou 5 anticorps. Mais comme la lumière ne passe pas à travers les tissus biologiques, ce qu'on a dû mettre au point, c'est une technique qui permet de rendre n'importe quel tissu biologique transparent. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève dans les cellules les lipides qui sont dans les membranes, et on enlève l'eau, et globalement il ne reste que des protéines, et là on a une technique qui nous permet de rendre du coup le tissu transparent à la lumière. Et en utilisant un microscope particulier qu'on appelle un microscope à feuillet de lumière, on peut, sans couper l'échantillon, scanner avec un laser, donc une feuille de lumière laser. On va scanner très rapidement l'échantillon et en 10 minutes, on peut avoir des milliers de coupes de cet embryon, de coupes optiques qui sont faites, qu'on va reconstituer en 3 dimensions dans un ordinateur. Et donc comme ça, vous avez un marquage, une visualisation des cellules qui préservent la structure du tissu ou de l'embryon, et puis combiné à une imagerie 3D qui vous donne exactement les interactions cellulaires dans un organe particulier. Et donc ça s'applique à l'embryon humain, mais également à l'embryon de souris. Valérie l'utilise aussi pour l'embryon de poulet. C'est vraiment très important dans le développement, comme on l'a dit, de comprendre ces interactions cellulaires. Et sans le faire en 3 dimensions, on ne peut pas réussir à comprendre ce qui se passe. On cherche de plus en plus, évidemment, de pouvoir avoir accès à des systèmes d'imagerie qui soient, alors là, en l'occurrence, c'est sur des fœtus qui ne sont pas viables, mais qu'on puisse avoir accès à des systèmes d'imagerie qui soient le moins invasifs possible. Madame Castellani. En tout cas, ce système-là, pour l'instant, c'est vrai qu'il est particulièrement exploité sur des embryons statiques. Maintenant, ce qui va être le challenge, et c'est déjà d'ailleurs un challenge qui est relevé par certaines équipes de recherche, c'est de pouvoir directement aussi visualiser en 3D des tissus vivants. Donc là, on va pouvoir accéder. Il y a déjà des gens qui le font. Il y a par exemple un article qui vient de sortir dans une prestigieuse revue qui décrit justement en temps réel les mouvements au stade précoce de l'embryogénèse en utilisant cette microscopie confocale à feuille de lumière. Donc c'est l'idée de regarder les choses en dynamique, ça va avec le développement de ces technologies, et c'est sûr que là l'enjeu, c'est vraiment de gagner aussi en résolution, de pouvoir à la fois avoir accès à la cellule ou à l'objet d'intérêt au sein de l'organisme dans son entier. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est fantastique, puisqu'on s'affranchit de l'étape de coupe, hein, comme vient de le dire Alain. Et ensuite, de pouvoir en plus aller regarder des événements dynamiques, ça, je pense que ça va. L'ensemble de ces technologies va vraiment nous permettre d'avancer dans la compréhension de ces processus qui restent quand même particulièrement difficiles à étudier. Un choix total. Alors, un point, on a parlé un petit peu au départ de ce qu'on appelle les organoïdes. C'est-à-dire que là, on a parlé beaucoup de travailler sur l'embryon humain entier. Donc, ça se fait. On peut cultiver des embryons humains, comme on l'a dit, issus d'embryons non réimplantés et suivre leur développement. Mais il y a également des techniques qui ont montré maintenant qu'on peut. Donc, on a dit tout à l'heure, une cellule, normalement, perd son potentiel de division. Sauf que, donc, il y a des travaux qui avaient été menés par ce chercheur japonais Yamanaka qui ont permis de montrer qu'on pouvait, à partir de cellules de la peau, les retransformer en cellules souches. Une pluripotente induite. Et maintenant, il y a depuis quelques années, c'est assez récent, il y a des différents groupes qui ont trouvé des moyens de faire en sorte que ces cellules, encore une fois, se divisent en 3 dimensions. Et elles vont générer des petites structures, souvent sphériques ou ressemblant un peu oblongues, qu'on appelle des organoïdes. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, ça a été montré à partir de cellules de la peau, vous pouvez faire des cupules optiques, des petits yeux. Des petites rétines, vous pouvez faire des mini-cortex qu'on appelle et ça c'est donc du coup ça vous permet à partir de la peau humaine de faire reproduire dans une boîte en trois dimensions, essayer de revoir un petit peu comment de comprendre comment ces organes se développent. On peut du coup les manipuler, on peut exprimer des gènes dans l'intérieur de ces organoïdes et pouvoir suivre comme ça la migration des cellules. Alors ça c'est très bien, mais ça n'empêche c'est maintenant que ça devient vraiment très important d'arriver à comprendre c'est quoi le développement normal. C'est-à-dire que là vous avez regardé des structures en culture qui sont des petits cerveaux par exemple qui se développent, vous en tirez des conclusions sur le développement cérébral, mais il est important de savoir si effectivement c'est comme ça que ça se passe. Il y a une séquence de différenciation qui va vous donner différents types de neurones. Est-ce que ce que vous avez observé dans votre boîte correspond vraiment au développement normal? Donc c'est vraiment important d'avoir une référence de ce que c'est que le développement des différents tissus pour pouvoir développer les meilleurs modèles in vitro permettant justement d'étudier tous ces paramètres physiques et autres qui contrôlent le développement. Voilà la question. C'est vraiment important de faire ça en parallèle, sachant aussi que les organoïdes, vous allez finalement, vous allez pas être capable, en tout cas personne n'est réellement capable alors aujourd'hui de récapituler par exemple le fait que certains systèmes se construisent à partir de cellules qui sont pas originaires du même tissu. Donc notamment les mini-cortex, donc c'est très intéressant parce que ces organoïdes permettent de reproduire la morphologie et l'organisation spatiale des différents composants nécessaires à la neurogénèse. Donc ça c'est très intéressant. Mais le cortex cérébral, par exemple, est formé de neurones qui ne sont pas nés au sein même de la zone de prolifération qui donne ce territoire. Mais au contraire, il y a des cellules qui naissent ailleurs et qui vont migrer et qui vont être part intégrante de ce cortex cérébral. Donc c'est important dans le développement de la technologie des organoïdes d'aller vers justement des fusions d'organoïdes pour essayer d'arriver à récapituler cette co-construction. Et il reste néanmoins totalement nécessaire de pouvoir comparer ce qui se passe dans ces boîtes pour pouvoir les utiliser à bon escient avec le développement physiologique d'un embryon. Donc ces recherches doivent être menées en parallèle pour se valider mutuellement. Un mot pour conclure, parce qu'on parle évidemment de la connaissance aujourd'hui du développement de l'embryon et plus tard du fœtus. Ces recherches en embryogenèse, elles sont aussi importantes, on l'a déjà un petit peu évoqué, également parce qu'elles peuvent avoir des applications thérapeutiques, notamment dans les problèmes d'atteinte neuronale en bas âge ou de problèmes de malformation, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Alain Chedotal. Oui, enfin, les applications sont énormes. J'ai parlé avec un collaborateur tout le monde a entendu parler il y a 2-3 ans du problème d'infection par le virus Zika qui fait que ces enfants naissaient avec une petite tête, des microcéphalies. Et on a pu très rapidement comprendre ce qui se passait et que le virus infectait justement des précurseurs dans le cerveau qui se divisent parce qu'on savait qu'il y avait ces précurseurs et comment le cerveau humain se développait par rapport au contexte de souris. Si on avait travaillé sur des modèles de souris dans lesquels il n'y a pas ces précurseurs particuliers qui ne se trouvent que chez l'homme, on n'aurait jamais pu comprendre comment ce virus agit. Et donc le fait qu'on ait des travaux en cours sur le développement du cortex humain a permis très rapidement de comprendre quelle était la cause de ces microcéphalies chez les personnes infectées par le virus Zika. Il y a plein d'exemples. On entend parler actuellement de ces enfants qui naissent avec un membre en moins. Comment on peut expliquer d'un point de vue développemental le fait qu'un membre va se développer ou pas et va être absent. Et donc tout ça, c'est vraiment des choses très importantes. Merci beaucoup. On y reviendra et on a effectivement parlé de cette vague de malformations qu'on va continuer à suivre dans la méthode scientifique. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de l'embryogenèse. Merci Alain Chedotal. Merci Valérie Castellani. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Tom Humdenstock, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Nomine Aguet, Saint-Vulfranc, Jenab Sangaré à la réalisation, Alice Seyed à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous irons à la recherche de ces planètes qui n'appartiennent à aucun système, ces planètes qui flottent aux confins de l'espace. Il sera question des planètes errantes, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.